par exemple sur des traits de mœurs et de civilisation. Ainsi, le père du nouveau-né, au moment de la naissance de la petite Tarsia, le père du nouveau-né accepte l'enfant en le ramassant. Iussit infantem tolli. Il ordonna qu'on prit l'enfant, qu'on le leva. Ben, vous savez, c'est une coutume, enfin, ou ça fait partie du droit romain, c'est quelque chose de bien connu et qui a été souvent commenté, que le père de famille a droit de vie et de mort sur sa descendance, à tel point que l'enfant nouveau-né est déposé à ses pieds, et qu'à ce moment-là, il ordonne qu'on le prenne, et dans ce cas-là, l'enfant vivra, ou il n'ordonne pas qu'on le prenne, et à ce moment-là, l'enfant est mis à mort. Ou encore, les manifestations de deuil sont, dans le récit, des manifestations typiquement latines. Mais le principal argument de Kleps se fonde, je n'entre pas dans le détail parce que c'est déjà, encore une fois, assez ennuyeux comme ça, mais se fonde sur les trois inscriptions dont le texte est mentionné dans le roman. Celle qui est gravée sur le socle de la statue que les habitants de Tars érigent à l'image d'Apollonius pour le remercier de les avoir sauvés de la famine. L'inscription que Strangulion et Denise font graver sur le prétendu tombeau de Tarsia et l'inscription du monument que les Mytiléniens érigent en l'honneur d'Apollonius et de sa fille après leur retrouvaille. Eh bien, là encore, ces trois inscriptions d'Eclepes sont typiquement latines, ne peuvent être traduites du grec. Des inscriptions grecques auraient eu une allure différente. Mais ce n'est pas à moi de vous parler de cela, confronter les avis de mon bon collègue Knopfler et de mon bon collègue Scheidt, et vous saurez tout sur la question. Alors, ce qui avait faibli évidemment l'argument, c'est que l'Historia telle que nous la lisons est de toute façon très différente de l'original, qu'il soit latin ou grec, pour toutes sortes de raisons dont j'ai déjà parlé, sur lesquelles je reviendrai, et dont la plus visible, ce sont les fameuses énigmes que Tarsia pose à son père et qui viennent d'un recueil latin du 5e siècle. À l'inverse, les arguments du dernier éditeur, de Cortecas, voilà l'édition Cortecas. Les arguments de Cortecas en faveur d'un original grec se fondent essentiellement sur de petits faits de langue, donc non pas des arguments de civilisation ou des arguments assez généraux de mœurs et d'habitudes épigraphiques, mais des détails d'expression linguistique et vous savez, ce sont toujours les détails qui résistent le plus, n'est-ce pas ? Et c'est à partir des détails que les théories s'effondrent et que de nouvelles reparaissent. Et ce sont toujours les détails qui, comme on le dit, révèlent. Eh bien, ces faits de langue résistent vraiment. On trouve, aussi bien dans R.A. que dans R.B., dans les deux rédactions, des expressions qui sont inhabituelles ou bizarres en latin, ou qui sont des apax, et qui quelquefois sont difficilement compréhensibles, et qui s'éclairent si il vient à l'esprit qu'elles peuvent être la transcription littérale d'expressions parfaitement naturelles en grec. Et il y a également, des usages, des expressions, des mots qui se comprennent difficilement, mais qui s'éclairent si l'on suppose derrière une mauvaise lecture d'un texte grec. Donc, ou des transcrits, une traduction trop littérale, ou au contraire une mauvaise lecture. Exemple de la première catégorie, tout au début, au moment de l'inceste, le roi Antiochus brise le nœud de la virginité sa fille. Et le texte latin emploie l'expression nodus virginitatis, nœud de la virginité. C'est un apax, ça ne se trouve nulle part ailleurs en latin. En revanche, en grec, ama parthenias, ama koreias, qui a exactement le même sens, c'est quelque chose que l'on trouve. Je ne dis pas que ça se trouve à tout bout de champ, d'ailleurs, ce serait bien bizarre, mais ça se trouve. Ou bien, on trouve l'expression À un moment, ils sont en mer, où allons-nous? Si nous allons là, et erit nobis euentus, qui est d'interprétation difficile. Est-ce que ça veut dire nous aurons du succès? Qu'est-ce que c'est que cette euentus, une issue heureuse? Et on s'est interrogé sur la question, et les adaptations vernaculaires ont hésité, à juste titre, devant cette formulation. Mais là, l'expression s'éclaire si l'on songe que dans les glossaires latin-grec, euentus correspond à ekbasis, apobasis, et qui peut désigner le fait de toucher, d'aborder, de toucher terre, de descendre à terre en descendant d'un navire, ce qui correspond exactement à la situation. Et la phrase veut simplement dire « nous aurons la possibilité de gagner la terre ». Et c'est le sens qui colle parfaitement avec le contexte. Mais pour trouver ce sens, il faut passer par le grec, parce que « euentus » normalement ne veut pas dire cela. « Euentus » ne veut pas dire cela, mais « euentus » est bien donné dans les glossaires comme équivalent d'ekbasis ou apobasis, bien que dans les textes on ne trouve guère employé dans ce sens. Et je le répète, c'est une leçon propre à Hervé, à la seconde rédaction, ce qui confirme que Hervé ne se contente pas de corriger A, mais qu'il remonte directement à la source. Dans la seconde catégorie, donc je parlais des formulations bizarres dans le texte latin, mais qui peuvent correspondre à une mauvaise lecture du texte grec. Il y en a une, il y a un exemple qui est magnifique, enfin, je dis qu'il est magnifique encore une fois, je me pars des plumes du pan, hein, c'est Cortecas qui a vu ça. Hein. Et c'est son hypothèse, mais c'est une très très belle hypothèse. Ce sont les premiers mots de l'énigme d'Antiochus. Scelere weor. Je suis véhiculé, je suis mu par le crime. Je suis poussé par mon crime. Et nous verrons la prochaine fois, sans doute, lorsque je consacrerai un développement un peu systématique à la question de l'énigme et des énigmes, que c'est quelque chose qui a, là encore, étonné, déconcerté les traducteurs et les adaptateurs dont ils se sont tirés comme ils ont pu. Eh bien, l'énigme totale, enfin je dis, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour que vous voyez combien ce scelere weor est bizarre au regard de la suite qui est d'une limpidité telle que c'est à peine une énigme, ou sinon c'est un peu décalé. L'énigme dans R.A. est scelere weor, maternam carnem vescor, quero fratrem meum, ne matris virum, uxoris me filium, non inuenio. Scelere weor, je suis mu par le crime, je me nourris de la chair de ma mère, je cherche mon frère, le mari de ma mère, le fils de ma femme, je ne le trouve pas. Je ne dis pas, enfin oui, d'ailleurs je n'ai jamais dit, je vais me soutenir le contraire, que cette énigme s'applique parfaitement au cas d'Antiochus, mais qu'elle désigne des relations familiales douteuses et imbriquées, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, n'est-ce pas? Bon. Et d'ailleurs, j'anticipe, Hervé corrige, il a bien vu que ça ne marchait pas très bien pour un inceste père-fille. Et il corrige, scelere weor, maternam carnem vescor, quero fratrem meum, matris me filium, uxoris me virum, nec in venio. Donc, scelere weor, je me nourris de la chair de ma mère, je cherche mon frère, le fils de ma mère, le mari de ma femme, je ne trouve plus. Mais mon frère, le fils de ma mère et le mari de ma femme, c'est moi. Enfin, il y a quelque chose qui est trop simple et trop réducteur dans la formulation. Et le goût de la logique de l'auteur de Hervé l'a conduit trop loin, enfin, si, dans la circonstance. Mais enfin, bon, là encore, je suis désolé, je serai amené à me répéter, puisque ce sera notre point de départ la prochaine fois. Bref, dans les deux cas, ce scélere weor est bizarre. Voilà, bon. Et alors, l'hypothèse de Cortecas, c'est que ça pourrait venir d'une mauvaise lecture ou d'une mauvaise transmission textuelle, puisque apparemment Hervé, sur ce point, a lu la même chose. Okeistai, pour okeestai. Donc, okeistai, effectivement, je suis transporté, pour okeestai, qui veut dire coitum facere. Donc, okeestai, faire l'amour. Je fais l'amour de façon criminelle. Alors là, c'est même plus très énigmatique. Et enfin, il y a d'autres arguments. Je vous donne quelques-uns de ces relevés. Il y en a d'autres. Ceux-là sont parmi les plus parlants. Mais enfin, je ne vais pas comme ça, oralement, indéfiniment, faire des comparaisons entre du grec et du latin. C'est insupportable. Mais un argument d'un ordre différent. On a trouvé à Pergame, donc en Asie mineure, non loin du site de Troie, un graffito, malheureusement de date incertaine. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est tardif, parce que, d'abord, nous allons voir le texte même, les graphies, l'orthographe le montre, et puis, il y a deux graffitis, celui-là, et à côté, un autre, qui est une citation de la Genèse. Et en grec, naturellement. Donc, un graffito, évidemment, en grec, qui donne la suite de l'énigme d'Antiochus. Pas ce qui correspond à scélere weor, mais ce qui correspond à partir de quiro fratrem meum. Apolessa mou ton adelphon, ton andra tis mitros mou, donc écrit avec des iota, mais c'est tes mitros mou, mou en prononciation érasmienne, ça indique un moment où l'état se prononçait déjà i. Donc ton andra tis mitros mou, ton uion tis gynekos mou. Donc, j'ai perdu mon frère, le mari de ma mère, le fils de ma femme. Donc quelqu'un qui, dans des bains publics ou quelque part, a inscrit ça, a tagué ça sur le mur. Et il me semble que non seulement la rencontre est naturellement extrêmement frappante, mais en outre, le texte du graffito enrichit le texte de l'énigme. Là aussi j'anticipe. Le grec Apolessa enrichit l'énigme d'une ambiguïté supplémentaire absente du latin quaero. Quaero, quaero fratrem meum, c'est je cherche mon frère. Apolessa, c'est j'ai perdu mon frère. Mais le verbe peut avoir, apolumi peut avoir le même sens en grec qu'en français, mais en français plus rarement, c'est-à-dire j'ai perdre ou causer la perte de. Ça peut être un factitif. Donc, j'ai perdu mon frère ou j'ai causé la perte de mon frère. Et, bien entendu, plus il y a d'ambiguïté dans une énigme, mieux c'est. Comme celle-là en manque un petit peu, plus on en ajoute, mieux c'est. Et donc, je ne multiplie pas, je ne continue pas avec ce type d'exemple ou d'illustration de l'hypothèse d'un original grec. Si vous me croyez sur parole et si vous admettez qu'il y a d'autres, qu'on peut relever d'autres cas de ce type, eh bien, on peut considérer que c'est... détails irréductibles sont plus probants que des considérations générales et que la source de l'Historia Apollonii Regis Tyri était certainement bel et bien grecque. Je ne m'étends pas ici, parce que bien, ce serait sans fin de reprendre tous les arguments, tous les aspects d'histoire du texte de la civilisation, je ne m'étends pas sur les traits de civilisation, en particulier les éléments monétaires, qui ont conduit les savants, pour une fois unanimes, tout le monde est d'accord, à dater le texte du IIIe siècle de notre ère. Quelle que soit l'opinion des savants sur la langue d'origine, latin ou grec, tout le monde est d'accord, en particulier à cause de ces éléments monétaires, pour le IIIe siècle, avec de petites nuances, c'est-à-dire que Kleps, donc, qui écrit en 1899 et qui est à la fois tout glorieux de cette science nouvelle et tout excité par la précision à laquelle atteint la science positive dans le domaine des antiquités, dit on a cessé d'utiliser tel type de monnaie à partir de telle date, donc le texte ne peut pas être postérieur à cette date, alors que évidemment, le texte, l'histoire peut être postérieure à cette date parce que dans une histoire, dans une sorte de conte, il peut y avoir une longue survie d'éléments qui ont disparu de la civilisation réelle. Mais enfin, en gros, tout cela concorde. Et cette datation s'accorde d'ailleurs avec d'autres éléments. D'abord, l'époque du grand épanouissement du roman hellénistique, là, qui commence, mettons, à l'extrême fin du 1er siècle, notre ère, début du 2e siècle, s'achève ou qui est sur son déclin à la fin du 3e siècle. Donc, une œuvre du 3e siècle, ça correspond à, si on veut, à la fin de l'apogée, et pour une œuvre dont on n'aurait aucun autre élément de datation, une sorte de datation à vue de nez probable. Et d'autre part, ça s'accorde avec le caractère solaire qu'il est permis de déceler dans le nom et dans le comportement d'Apollonius. Apollonius proche d'Apollon, et s'il m'est permis de me citer moi-même, dans le style un petit peu ronflant et satisfait de soi de ma jeunesse, j'écrivais là dans l'introduction de mon petit livre, comme Apollonius est un musicien, il est un maître à la fois des mots et de l'intelligence, ça donc résout les énigmes, tout ça, sa place est en haut dans la lumière, et là bon, je continuais sur cette belle lancée, et le roman n'est en ce sens rien d'autre que l'histoire de ce personnage solaire, sans cesse menacé par l'eau sombre de la mort, qui cherche à l'engloutir, et dans laquelle il s'abîme en effet parfois, avant de ressurgir vers la clarté. Allusion aux tempêtes, aux naufrages, au fait qu'il est effectivement, il fait naufrage et il est dans l'eau et risque de se noyer, et qu'à la fin il est dans la cale de son bateau, donc dans l'obscurité et sous la ligne de flottaison, un endroit humide, vraiment. Bon, passons. Mais des auteurs plus sérieux que moi, à propos d'Apollonius de Tyre, mais de façon générale, ont insisté sur cette théologie solaire qui est à la mode, en quelque sorte, au IIIe siècle. En particulier, Pierre Grimal, dans son introduction aux Éthiopiques, à Théogène et Chariclée d'Héliodore, Grimal écrit « C'est pendant cette période, le IIIe siècle de notre ère, que se manifesta avec une particulière intensité la théologie solaire qui connut son apogée sous le règne d'Aurélien entre 270 et 275. De même, ajoute-t-il, est-ce au début du siècle que sous l'influence de Julia Domna et de la dynastie syrienne, la doctrine d'Apollonius de Tyane revint à la mode ? Et les rapports ne manquent pas entre les Éthiopiques et le livre de Philostrate, écrit précisément vers 220. Vous voyez, j'avais dit que la vie d'Apollonius de Tyane avait été écrite pour Julia Domna, et nous voyons ce personnage qui s'appelle Apollonius, et toute cette constellation qui existe à cette époque. Cette constellation autour d'une théologie solaire, c'est astronomiquement douteux, mais... c'est toujours des métaphores dangereuses, mais enfin, vous voyez ce que cela peut signifier et que cela renforce les hypothèses de datation de notre Apollonius. Cela renforce l'hypothèse de datation, mais en même temps, cela renforce aussi la difficulté de son adaptation à l'Occident médiéval et chrétien, hein, cet ancrage dans ces religions orientales et solaires qui, à partir de l'Orient hellénisé, se développent dans l'Empire au IIIe siècle. Alors, donc, il nous faudra garder en mémoire, désormais, le fait que nous avons affaire à une œuvre grecque et à une œuvre grecque appartenant encore pleinement à l'Antiquité. Encore une fois, c'est cette hellénité lointaine qui contribue à rendre l'œuvre étrangère à l'Occident médiéval et qui a certainement joué un rôle dans le mode de sa réception, dans son succès, dans son demi-rejet qui va de pair avec son succès, dans l'incertitude sur la façon dont il faut le lire, l'incertitude sur la nature de l'œuvre et sur son sens. Mais évidemment, ce n'est pas cet original perdu qui nous intéresse, c'est l'œuvre latine que nous connaissons et la façon dont elle a été lue et réécrite. Or, maintenant que nous avons essayé de montrer que cette œuvre est très profondément ancrée dans le monde grec et hellénisé, avec des traces linguistiques qui demeurent, avec des traits de civilisation, avec des traits de conception religieuse et presque cosmologique, après avoir dit cela, il faut immédiatement dire non pas le contraire, mais souligner que l'œuvre telle que nous la lisons appartient pleinement et totalement à la latinité. Elle appartient à la latinité en particulier par son écriture et parce que les réminiscences littéraires latines, en particulier virgiliennes, ovidiennes, y sont nombreuses et vont parfois jusqu'à l'emprunt littéral. Surtout dans la première rédaction, dans R.A., de façon qui, à première vue, est curieuse et qui, en réalité, se comprend très bien, R.B., en réécrivant le texte, supprime généralement les emprunts littéraux à des poètes latins. Pourquoi ? Eh bien, enfin bon, c'est une hypothèse impressionniste, mais je vais donner des exemples dans un instant et vous verrez qu'elle n'est peut-être pas absurde. Je crois même qu'elle a des chances d'être vraie. C'est que les citations de poètes latins détonnent dans R.A. C'est un texte qui est écrit de façon très simple, très sèche, très gauche, il faut bien, et dans un latin très peu classique. Et que même un lecteur cultivé du VIe siècle était parfaitement capable de se rendre compte que ce latin n'était pas un latin littéraire, enfin classique, et même littéraire éloigné de la langue classique. De sorte que, au milieu de ce texte, écrit dans une langue si commune, ces citations des plus grands poètes, et ces citations qui étaient en plus les citations les plus rebattues, parce que la culture de l'auteur de R.A. est limitée. Ce qu'il connaît, c'est le Lagarde et Bichard, enfin à l'époque où on connaissait le Lagarde et Bichard. C'est ce que tout le monde, les vers que tout le monde a en mémoire. Il ne va pas plus loin. Les vers qui sont donc immédiatement identifiables par n'importe quel lecteur ayant une culture minimale, n'est-ce pas ? Donc le tout donne particulièrement l'impression d'une sorte de, pas de semi-analphabète, mais de quelqu'un de l'œuvre littéraire, de quelqu'un de très peu littéraire et de très peu cultivé. Si on lit, nous lisons aujourd'hui un texte ou un roman à supposer la vraisemblance du fait, écrit dans une langue très quotidienne. Alors, la transposition ne peut pas se faire parce que la distance de la langue littéraire a presque disparu aujourd'hui. C'est-à-dire que le trait le plus fréquent dans le style littéraire, c'est l'imitation du style de la langue quotidienne et parlée. Il y a eu une sorte d'envahissement de la littérature par le sélénisme, si je puis dire, depuis dans la seconde moitié du XXe siècle et aujourd'hui. Et encore, enfin, je fais tort à Céline, enfin, de toute façon, parce que si on prend n'importe quelle phrase de Céline, eh bien, on voit qu'elle donne l'impression d'être en style parlé, qui peut être familier, qui peut être vulgaire, qui peut être relâché, qui peut être quotidien, qui peut être des tas de choses, mais elle n'est jamais d'un bout à l'autre dans ce registre. Et il n'y a pratiquement pas une phrase de Céline qui ne comporte pas, au milieu de ce registre, un élément particulièrement écrit. Vous me direz, c'est exactement ce que fait R.A. avec ses citations. Non, ce n'est pas exactement ce que fait R.A. parce que Céline dissimule ce langage écrit et se débrouille pour que il ne soit pas immédiatement repérable à une lecture rapide. Sorte que la lecture, enfin la lecture du lecteur qui lit le livre sans l'analyser et sans y prêter attention, ce lecteur-là n'est sensible qu'aux éléments de langage parlé, familier, vulgaire, etc. Et il ne se rend pas compte que c'est la présence au milieu de tout cela de tours de langue ou de bribes de vocabulaire particulièrement écrits et recherchés qui font ressortir les éléments de langage quotidien ou parlé ou vulgaire et qui leur donnent leur force. Donc, sans que le lecteur s'en aperçoive, il perçoit que ce n'a pas été écrit par quelqu'un qui ne pourrait pas écrire autrement, mais que ces éléments si choquants, surtout pour les lecteurs du temps de Céline, sont comme catapultés par les bouts de langage écrit qui sont derrière. Mais depuis, il y a une sorte de rencontre, de collusion entre une sorte de style littéraire journalistique et de style littéraire romanesque qui fait que les romans d'aujourd'hui sont très souvent écrits dans une sorte de reconstitution du style quotidien à effet à la fois de distance comique et à effet sociologique. Comme si la littérature était une sorte d'immense one-man show de ces comiques qui incarnent sur scène un personnage particulièrement quotidien. Enfin, excusez-moi, pardonnez-moi cette digression dans laquelle je me suis laissé entraîner, mais qui est pour, je reviens à mon sujet, pour essayer de montrer par contraste que dans les siècles passés, la langue littéraire était une langue qui avait toujours un écart avec le langage quotidien. Que cet écart était maîtrisé, qu'il avait ses règles, qu'il avait sa norme, qu'on ne pouvait pas le bousculer ou passer impunément d'un registre à l'autre. Ou alors que dans des cas très précis, avec une signification très précise. Et que il paraît certain que dans le cas de notre malheureux auteur de R.A., cet auteur ne faisait pas exprès d'écrire un latin d'allure très relâchée et très fautive au regard de la norme des écrits des grands auteurs latins, même de son temps, et que du coup insérer dedans brusquement quelque chose qui est l'équivalent de ses ailes de géant l'empêche de marcher produit un effet plus ridicule que frappant ou émouvant. Et je suppose que c'est à cela que l'auteur de la révision RB a été sensible et que c'est cela qu'il a tenté de faire disparaître. Et on le voit au fait que d'un côté il corrige le latin de son prédécesseur en le rapprochant un tout petit peu d'une norme plus classique, mais en même temps il supprime généralement les citations de ces vers très connus, et il les a bien repérés parce qu'il les supprime exactement, ce qui montre qu'il n'a pas considéré que ces citations rapprochait le texte d'une norme littéraire, mais au contraire l'enfonçait, si je puis dire. Par exemple, dans la description de la première tempête qui provoque le naufrage d'Apollonius et les plaintes du héros à l'adresse de Neptune, alors cette description doit évidemment à l'Énéide, la tempête du début du livre 1, elle lui reprend des vers entiers, mais aussi aux Géorgiques, aux métamorphoses d'Ovide, aux fastes d'Ovide, un certain nombre de descriptions de tempêtes qui faisaient partie des morceaux de bravoure des lettres latines. Et je donne un autre exemple encore plus massif et en même temps plus court, donc plus facile à analyser, parce que là il y a au moins il y a un petit passage, peut-être une dizaine de vers, n'est-ce pas, qui se suivent au moment de la tempête, qui disparaissent de Herbé. Mais au moment de la naissance de l'amour dans le cœur de la princesse de Cyrène, eh bien, ce passage, naturellement, se souvient du début de l'Énéide, du début du livre 4 de l'Énéide, naturellement, la naissance de l'amour dans le cœur de Didon. On peut peut-être mettre un transparent où vous verrez quelques vers du début du livre 4 de l'Énéide. Donc, ce sont les vers les plus célèbres de toute la littérature latine, comme chacun sait, et puis de brefs passages de l'Historia. Et vous allez voir comment, on voit là à la fois la manière de R.A. et les interventions de R.B. Tout d'abord, lorsque la princesse, voyant combien Apollonius est un musicien accompli, s'éprend brutalement de lui. Alors vous voyez, donc d'abord, il y a quelques vers de l'Énéide, et ensuite c'est la première citation. « Inter ec, filia regis, ut vidit juvenem omnium artium studiorumque esse cumulatum, vulneris eo capitur igne. » Et au milieu de tout cela, la fille du roi, voyant ce que ce jeune homme cumulait tous les arts et toutes les sciences, n'est-ce pas, accumulait toutes les perfections, les arts et les sciences, est blessée par un feu sauvage. Et on reconnaît dans ce « Saeo capitur igne » le fameux « Caeco carpitur igni » du vers 2 du livre 4 de l'Énéide, à ceci près que Saeo est plus sauvage, est plus plat d'une certaine façon et moins adapté que Caeco caché, secret, voilà, avec l'image de aveugle, enfin qu'on ne voit pas. Mais Herbé se garde bien de conserver cette demi-citation qui vient au milieu de ce récit gauche, ce récit qui est écrit dans un style tellement différent, et avec cette clausule, enfin c'est igné, ça devrait être igni, mais il y a ignem nantes, enfin de toute façon, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il écrit simplement, vous voyez, « Puella ut audivit juvenem omnium artium studiorumque cumulatum, incidit in amorem. » La jeune fille, tatata, tomba amoureuse. Un peu plus loin, lorsque la princesse en proie à l'amour ne trouve pas le sommeil, ce sont cette fois des vers entiers du début du livre 4 que R.A. cite textuellement en les mêlant à sa pauvre prose. Et on retrouve aussi dans ce passage, non seulement textuellement des bribes de l'Énéide, mais le mouvement général du passage qui montre l'insomnie de l'amoureuse, puis sa hâte, dès l'aurore, le jour à peine levé, de courir, trouver une confidente ou un confident, mais qui ne peut être qu'à moitié une confidente ou un confident, parce qu'elle a des réticences à confier son amour. C'est Didon allant trouver sa sœur Anne et lui disant « Ah, qu'il est beau, qu'il est noble, etc. Si je n'avais pas juré de ne pas me remarier. » Et trahissant son amour pendant qu'elle le nie, donc passage fameux. Et dans notre Apollonius, la princesse allant trouver son père. Alors, voilà le passage de R.A. « Sed regina sui iam dedum saucia cura Apollonii figit in pectore ulnus » verba cantusque memor, credit genus esse deorum, nec somnum oculis, nec membres dat cura quietem, vigilans primo mane irrumpit cubiculum patris. Mais la reine gravement atteinte du mal d'amour pour son cher Apollonius enfonce la blessure dans sa poitrine. Se souvenant de ses paroles et de son chant, elle pense qu'il est de la race des dieux et elle ne livre pas ses membres au sommeil, et dès l'aurore, elle se précipite dans la chambre de son père. Et alors, on reconnaît, mais mal inséré, en quelque sorte mal inséré, parce que les phrases tiennent à peine grammaticalement. D'abord, les vers 1-5, il en saute deux, et puis le vers 12 du livre 4 de l'Énéide, les fameux vers, Atregina, graue iam dodum saucia cura, volnus alid venis et caetco carpitur igni, aerent infixi pectore voltus verbaque, nec placida membris dat cura quietem. Mais la reine, déjà lourdement atteinte du mal d'amour, nourrit sa blessure de ses veines, du sang de ses veines, et se consume d'un feu caché, donc on saute un peu, ses traits, il s'agit naturellement d'aînés, ses traits, ses paroles restent fixées dans son cœur, et le mal d'aimer ne lui laisse ni calme ni repos. Et puis le vers 12, certes, je crois bien, on ne peut pas s'y tromper, qu'il est de la race des dieux. Et alors on note tout de même dans le passage de Héra cette apparente confusion entre Vulnus et Vultus, Vulnus ou Vultus, c'est pareil, qui aboutit à réduire et à rassembler en une seule formulation le vers 3 et le vers 4-5 de Virgile. Figit impectore Vulnus, verba cantusque memor, etc. Vulnus alit venis, aerent intrixi pectore Vultus verbaque. Je ne sais pas si le jeu est volontaire, il l'est probablement, mais il y a là tout de même une sorte de petite astuce. Et l'auteur de l'Historia prend seulement soin d'ajouter cantus a verba, puisque c'est moins par ses paroles que par son chant que Apollonius a séduit la princesse. Et d'ailleurs, enfin, il faut quand même rendre justice à notre auteur, l'expression figit in pectore vulnus, donc sa blessure, comme si elle enfonçait sa blessure dans sa poitrine, elle s'inflige à elle-même sa blessure, rend d'une certaine façon maladroitement, mais en même temps assez bien, l'idée de vulnus alit venis. Elle nourrit sa blessure du sang de ses veines, c'est-à-dire que certes, le sang s'échappe par la blessure, mais c'est la vieille idée de la description de l'amour. L'amour, le seul mal dont on ne veut pas guérir, cette idée qui plaira tant au Moyen-Âge, que c'est le cœur de Didon alimente sa blessure, hein, et que c'est une sorte de blessure intérieure, de blessure qu'elle s'inflige à elle-même, hein, qu'elle veut s'infliger. Alors, vous voyez que Hervé réduit ses citations au minimum, mais que cependant il ne renonce pas à ce figit in pectore vulnus, qui lui a peut-être plu. Mais il ajoute ensuite de son cru un petit détail. Donc, sed puella archistrates, et cet archistrates est important parce que, enfin, pour ceux d'entre nous qui, ou d'entre vous qui assistent au séminaire, parce que, commentant la semaine dernière le poème de Carmina Burana, j'avais hésité, vasouillé, et brusquement, mon collègue et ami Claudio Galderisi, ici présent, intervenant, m'avait mis sur la bonne voie, en me faisant observer que le personnage personnage qui s'appelle dans le poème de Carmina Burana, je ne sais plus comment, n'était pas le roi, mais la princesse. Et la preuve, nous l'avons ici, c'est que, et j'aurais dû y penser, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû y prendre garde, c'est que cette princesse est anonyme dans la rédaction R.A. et le roi s'appelle Archistrate ou Archistrates. Mais dans la rédaction R.B., le roi s'appelle toujours Archistrates. Mais il y a deux occurrences, trois, où Archistrates désigne la princesse, comme si la princesse portait le même nom que son père, sans qu'on sache si c'est volontaire, si c'est une erreur, si... bon, voilà. Et voilà un de ces exemples. Ça. Cette puella Archistrates, abamore in censa, inquietam abuit noctem. Figit in pectore vulnus, verba cantusque memor, querit Apollonium et non sustinet aborem, prima luce vigilat, irrupit cubiculum patris, sedet super torum. Mais la jeune fille, donc Archistrate, enflammée par l'amour, eut une nuit inquiète, peu tranquille, donc elle s'enfonce sa blessure dans la poitrine, se souvenant des paroles et du chant, et des chants. Elle réclame Apollonius et elle ne résiste pas à l'amour, non sustinet amorem, qui correspond à vulnus alit venis, ou à figit in pectore vulnus. À la première lueur de l'aube, elle est éveillée, elle entre dans la chambre de son père, elle s'assoit sur son lit. Et ce détail ajouté par Herbé, c'est elle s'assoit sur son lit. Et c'est un détail, mais là encore, qui a son importance, puisqu'il y a cette sorte de... constamment ce parallélisme et cette opposition entre, d'une part, le roi Antiochus et sa fille, d'autre part, le roi Archistrate, et sa fille Archistrate aussi. Là, son roi et cette fille qui sont encore plus confondus, mais pour être mieux séparés, n'est-ce pas ? Et il y a non pas le roi incestueux qui entre dans la chambre et qui précipite sa fille sur son lit, à elle, hein, mais la fille qui entre dans la chambre de son père et qui, dans un geste de familiarité affectueuse, est là absolument dénué de tout équivoque, hein, et dont la familiarité même montre qu'il est dénué de tout équivoque, s'assoit sur le lit de son père pour lui raconter ses soucis, ses petits maux. Non, justement, elle lui raconte, elle ne lui dit pas, sans la qu'elle est amoureuse, mais elle lui demande simplement, la rusée, d'accepter qu'Apollonius devienne son maître de musique. Mais donc je me suis attardé, un peu trop attardé, d'autant plus qu'il y avait une digression dans la digression, hein. Je me suis un peu attardé à commenter ces emprunts. Hein. Et grâce à eux, sur une toute petite, sur quelques lignes, sur un passage extrêmement bref, nous avons pénétré un instant au cœur du texte, si je puis dire, mais je ne me repens qu'à demi de cette digression, parce que l'exposé d'histoire littéraire est un peu abstrait, un peu aride, et si nous pouvons, de temps en temps, dès maintenant, et sans... toucher un peu comme ça, à la réalité de ce texte, d'en voir deux exemples, finalement, ce n'est pas plus mal. Mais enfin, je rappelle pourquoi j'ai commenté ce bref passage et quel était mon propos. Mon propos, en mentionnant ces souvenirs littéraires, était de montrer que l'Historia Apollonii, telle que nous la lisons, appartient totalement à la latinité, bien que sa source soit grecque, qu'elle appartient tellement à la latinité que elle est farcie de citations, et des citations les plus classiques des poètes latins les plus connus. Et je ne reviens pas sur une fois de plus sur la question là des énigmes de Symposius. D'autre part, contrairement à ce qui a été longtemps soutenu, malgré le rôle joué par le sanctuaire d'Artémis à Éphèse, malgré les nombreux autres traits qui renvoient au paganisme, malgré les invocations des dieux de la mythologie, les formulations qui supposent une foi monothéiste, les expressions appartenant au langage biblique, et quelquefois les emprunts textuels à la Bible latine, et je précise, à la Vulgate de Saint Jérôme, non pas à la première traduction de la Bible, donc à une traduction relativement tardive de la Bible latine, tous ces éléments ne peuvent pas être considérés comme des interpolations. Et l'auteur du texte latin que nous lisons était chrétien. Il n'y a pas eu une première rédaction latine et puis une sorte de vernis chrétien, païenne, et puis un vernis chrétien passé sur elle, ou bien un petit rafistolage chrétien maladroit, comme le voulait Kleps. L'auteur était certainement chrétien. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Réalisation Dominique Briffaut. Présentation Christine Goémé. M. Aimera. Toute la culture. J'ai vu des images à la radio. France Culture vous présente. France Culture à Avignon, rencontres et lectures au musée Calvet ce mercredi 13 juillet. Rencontre autour de Yann Fabre, l'artiste associé à ses cinquièmes rencontres au Festival d'Avignon. C'est avec lui et autour de lui que se construiront ces deux heures de rencontre où l'on pourra retrouver notamment Hubert Collat, Annabelle Chambon, William Forsythe, Wim van de Kebus. Lecture au musée Calvet, un peu plus tard à 19h. Deux et par Pierre Ascaride, Inutile de tuer son père, le monde s'en charge. France Culture au Festival d'Avignon. Rencontre autour de Yann Fabre à 15h30. Inutile de tuer son père, le monde s'en charge à 19h ce mercredi 13 juillet. Renseignements, dossier complet, franceculture.com. Proposé par France Culture, partenaire de Radio Néo. Cette semaine, sur vos radios web, sur franceculture.com, invités pour les sentiers de la création, les lauréats 2005 de la Fondation Pierre de Monaco et l'ensemble Skene pour leur dernière création. Dans les belles captives, les ateliers de rencontre de l'École nationale supérieure des arts décoratifs avec Emmanuel Saunier et Bernard Stiegler. Enfin, partons sur les traces de Barbe Bleue à travers une sélection d'archives. Dans les chemins de la connaissance, retrouvons Louis Aragon, lisant quelques-uns de ses propres poèmes en 1944 et s'entretenant avec Francis Crémieux en 1963. Hors les murs, Dans les grands entretiens du Collège de France, Emmanuel Leroy Ladurie et André Miquel évoquent leur parcours de vie. Télévision, la dictature de l'audimat, dans le cadre des lundis de l'INA. La famille en question, à la Cité des sciences et de l'industrie, cette semaine la famille homoparentale. Enfin, à l'Institut du monde arabe, où va l'islam institutionnel en France. À la carte, les sentiers de la création, les chemins de la connaissance, 24 heures sur 24, sur franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance à 11h30, invite Frédéric Neff pour ralentir travaux. Frédéric Neff est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a notamment publié « Qu'est-ce que la métaphysique ?» aux éditions Gallimard. 11h, fiction, feuilleton, les nouvelles confessions de William Boyle, une traversée du XXe siècle sur les traces de John James Todd, cinéaste. 13e épisode, Todd expérimente de nouvelles techniques de tournage tout en essayant de gérer une vie sentimentale tumultueuse. Qui plus est, l'arrivée du parlant l'inquiète. 10h, la nouvelle fabrique de l'histoire sur le thème des commémorations évoque aujourd'hui les enfants avec Annette Vieviorca, historienne, auteure de